Yes. Un sol majeur. Yasmine. Chouaki. Thomas Ferrière. Il était une fois Tanguy, petit réfugié espagnol de 9 ans, né dans la guerre civile, déporté en Allemagne et devant affronter tout seul l'horreur des camps de concentration. Bref, un enfant anéanti par une vie d'abandon, d'errance et d'internement. Point. Alors lorsqu'en 1957 on refermait Tanguy, le premier roman de Michel Del Castillo, on découvrait à la fois ce qu'avait été son enfance et un écrivain. Michel Del Castillo, né de père français et de mère espagnole, est un de nos écrivains français les plus prolifiques, 40 romans, des essais, de nombreux prix. Auteur survivant qui enquête inlassablement sur ce qu'on pourrait appeler sa tourmente espagnole. Mamita est le titre de son nouveau roman paru chez Fayard où l'ombre d'une figure maternelle monstrueuse hante les doigts d'un pianiste virtuose. Bonjour Michel Del Castillo. Bonjour à vous. Alors il se peut qu'on ait la gorge nouée un petit peu pendant cette conversation. Donc avant, on va poser un petit peu de fête madrilène sur le pick-up dans Sol majeur, car c'est de ça dont il est question avec la Verbena de la Paloma. Absolument. Vous avez des images en tête quand vous écoutez cette musique ? Oui, tout petit, parce que j'avais pas tout à fait 3 ans, c'était avant la guerre civile, et que j'étais allé au théâtre avec ma mère, elle m'avait amené pour voir la Verbena de la Paloma, qui est une sorte de classique du répertoire madrilène. Je dis bien madrilène. Et ça se déroule en même temps à l'occasion de la procession de la Vierge à la Colombe de c'est Madrid. C'est ça, Paloma, oui. Ouais. Voilà. C'est la fête populaire par excellence, avec des balles partout dans les quartiers, dans les quartiers. On est parti avec vous dans les quartiers. Donde vas con manton de manina? Donde vas con vestido chiné? Ese chico tan guapo, con quien luego la vais a correr. Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Y si a mí no me diese la gana de que fueras del brazo con él. ¿Arrematado? Porque lo digo yo. Pues si yo toco el pitu, se acaba la cuestión. Ustedes por allí, nosotros por allá, y usted toca aquí el pito, y usted aquí. Cuando haya que escribir la historia del heroísmo de la humanidad, habrá que dedicar muchas páginas al Alcázar de Toledo. Bajo los gloriosos escombros, en los subterráneos húmedos, en el esqueleto de las torres, sin más comunicación con el mundo que una radio y un himno que les habla del amanecer y de la primavera, resistieron los héroes del Alcázar 10 semanas de un sitio elevado con todos los recursos bélicos imaginables. Alors ces mains de pianiste qu'on entend là en sol majeur, ce pourrait être un peu les vôtres, Michel Del Castillo. Vous êtes en quelque sorte l'instigateur de ce petit montage, puisqu'après avoir rêvé sur une zarzuela, vous aviez envie d'écouter une archive autour de la guerre civile espagnole de 1936, avec des bruits de bombardement balayés comme ça par le Granada d'Albéniz, interprété par le doigté d'Alicia de la Rocha. C'est presque cynique de votre part, ironique en tout cas. Je ne sais pas si c'est ironique, parce que si vous voulez, au son là, c'est ma mémoire que j'entendais. Hein. La Valuena, la Paloma, c'était le Madrid de juste avant la guerre. Hein. Il y avait quelque chose de festif. En plus, j'adore cette interprétation parce qu'elle est cadencée, elle est voluptueuse, si vous voulez, tout le début du dialogue, dans tout ça. Et puis, c'est vrai que la guerre, d'un seul coup, est venue dessus, très vite, bousculée avec son bruit, avec sa fureur, etc. Et le Granada qu'on entend, je crois que je l'ai entendu tous les soirs, et que c'est probablement la première partition sur laquelle j'ai mis mes petites mains à 4-5 ans, si vous voulez. C'était parce que la famille était originaire de Grenade. Et donc, Grenade, c'était la nostalgie. Une double nostalgie, c'était la ville de la famille, de là qu'on venait. Et puis, c'était la fin de l'islam en Espagne, la mélancolie de l'exil, le départ, etc. Donc, c'était un peu comme un résumé de toute l'histoire de l'Espagne qui me sautait à la figure. Et alors, cette guerre civile espagnole dans laquelle vous êtes pratiquement né, puisque vous êtes né en 1933, est-ce que ce sont, dans cette fameuse mémoire, des souvenirs reconstitués que vous avez en tête par la somme d'informations que vous avez recueillies, ou bien l'enfant de 3 ans se souvient consciemment de certaines choses? Écoutez, j'ai des souvenirs extraordinairement précis, comme des plans-séquences, très nets. Je pourrais tout reconstituer, l'odeur, la lumière. J'ai dit souvent, je crois malheureusement pour moi, que j'étais très vite doté d'une mémoire monstrueuse, c'était pathologique. Mais c'était des plans-séquences, mais je n'aurais pas pu les coller en un récit. C'est un peu comme si vous aviez vu des petits bouts de films sans comprendre quelle histoire on est en train de raconter. Et par exemple, quand j'entendais tout à l'heure parler, haranguer plutôt à propos des héros, des défenseurs de l'Alcazar, j'ai entendu ça sur la terrasse de l'appartement avec ma mère, avec un militant communiste qui était avec qui elle vivait à l'époque, et qui parlait avec beaucoup d'admiration, d'ailleurs, de la résistance de l'Alcazar, un truc. Hein. Et ça m'avait beaucoup troublé, étant enfant, pour des tas de raisons. C'est parce qu'ils avaient dit, mais c'est des vrais hommes, avait dit le type, etc. Hein. Et comme on m'avait dit que c'était les méchants, j'arrivais plus à comprendre si les méchants étaient bien, pas bien, qu'est-ce qu'ils étaient. En tous les cas, on pouvait les admirer, ça me paraissait très bien. Et tout est comme ça, si vous voulez, tout était ambigu et équivoque. Alors avant d'esquisser cette enfance ambiguë, équivoque, comme vous dites, et traversée notamment par cette guerre civile espagnole, juste une question pour les auditeurs, les rares auditeurs qui vous découvriraient, Michel Del Castillo. Je me disais, justement, qu'en vous appelant Michel Del Castillo, vous êtes sans doute encore considéré par certains comme un écrivain espagnol, ce que vous n'êtes pas du tout. J'ai une double nationalité, hein. Je suis espagnol de mère et de père français, mais c'est vrai que je suis un écrivain purement français, je n'ai jamais écrit qu'en français, depuis l'âge de 20 ans, je vis en France, j'ai pas bougé, donc, mais enfin, dire me couper de l'Espagne, j'y arriverai pas, hein. C'est quand même très présent, d'ailleurs quand je me promène dans la rue ou quand les gens me rencontrent, me pas. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais suédois. Hein. Oui, ça c'est sûr, ça, la confusion n'allait pas jusque là, voilà. Mais cette confusion vous intéresse? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais elle m'intéresse même en Espagne, si vous voulez. Je me souviens un jour au Maroc où je m'étais fait littéralement engueuler, si vous voulez. Je visitais une des villes que j'aime le plus au Maroc, qui est Chaouen, et j'étais seul dans les ruelles, et puis je me suis fait interpeller par un type, à un moment donné, un arabe. Et je lui ai dit, écoutez, désolé, je parle pas. Et il s'est mis à m'injurier, hein. Croyant vraiment que je voulais pas parler arabe, mais que j'étais... Vous avez un côté andalou, hein. Voilà, c'était... Donc j'ai tellement l'habitude qu'on me... Confonde. Oui. confusion. Donc c'est en tout cas peut-être le moment pour nous de s'engouffrer dans le Madrid des années noires et de battre le pavé avec une première question en sol majeur. Comment est la casa de sua infancia? Pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance? Oh, c'était un immense appartement bourgeois, mais vraiment immense, je voulais de faire 500 mètres carrés, occupant tout un truc, dont la moitié des pièces étaient fermées et vides, parce que, si vous voulez, dès que la guerre civile a éclaté, les révolutionnaires de Madrid ont interdit aux gens de travailler chez les bourgeois. Donc, d'un seul coup, il n'y a plus personne pour être dans cet énorme truc. Ma grand-mère était très âgée, puis s'est réfugiée dans son lit. En plus, on n'avait rien à manger. Le chauffage ne marchait pas parce que la ville était assiégée, donc il faisait un froid glacial. Et c'était donc une errance dans des pièces vides, si vous voulez, avec des tapisseries superbes sur les murs, des lustres de partout. Et puis une atmosphère de panique et de peur, hein, parce que on arrêtait, on massacrait de jour et de nuit, si vous voulez. Ça a été vraiment des mois. Et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais je m'étais habitué à voir ma grand-mère, par exemple, tous les soirs s'habiller, mettre une veste de fourrure, préparer un petit sac, parce que elle ne se couchait qu'habillée au cas où on viendrait l'arrêter dans la nuit, ce qu'on a déjà, d'ailleurs, ce qui est arrivé. Donc, si vous voulez, c'était entre peur, froid, faim, les errances. Et il n'y avait qu'une seule pièce qui était magique parce qu'on l'ouvrait le soir pour moi. C'était le grand salon avec cet énorme Steinway. Et là, ça a été la magie du piano, la découverte du piano. Oui, mais vous résumez les choses très joliment et très positivement, alors que l'histoire n'est pas un conte de fées dans votre cas, Michel Del Castillo. Il n'y a pas eu une maison d'enfance comme ça qui serait restée éternelle. Il y a eu aussi des murs successifs dans votre vie, parce qu'un jour, on vous a un peu posé comme un paquet abandonné. Il y a eu à la fois dans votre vie le vent mauvais de l'histoire, et puis la séparation du français, Georges Michel Janico, et de l'espagnol, Candida Isabel, vos parents, ou pour le dire avec vos mots d'écrivain, puisque j'ai lu de père français notamment, vous dites « Mon père, mon assassin, s'appelle Michel, et puis plus loin, ce monstre, ma mère, je l'ai aimé au-delà de ma vie. » Alors, on va commencer peut-être par le géniteur. Quel était le crime de votre père ? Je crois qu'il y a eu, trois moments décisifs. D'abord, si vous voulez, il est parti en France, nullement en séparation, mais pour préparer l'arrivée de ma mère et de moi-même, si vous voulez, donc pour louer une maison. La guerre civile a éclaté, quand la guerre civile a éclaté, malgré la pression d'une grande partie de sa famille, si vous voulez, il a refusé d'intervenir pour la faire venir. Je crois qu'il n'avait aucune imagination, il ne s'est pas douté du tout. Il lisait la presse, il écoutait la radio, il connaissait bien l'Espagne, il parlait bien l'espagnol, mais il ne s'est pas rendu compte de la sauvagerie de ce qui était en cours. Et je crois que et puis ensuite, un deuxième crime qu'il y a, c'est qu'il l'a dénoncée en 1940 et qu'elle a été arrêtée, conduite dans un camp où elle m'a amené avec elle. Et donc, quels que soient les motifs qu'il avait, il en avait de nombreux d'ordre personnel. Elle était insupportable, elle était une emmerdeuse née. Elle faisait une femme à homme. Elle faisait des embrouilles tout le temps, elle changeait d'homme. Et puis quand elle était arrivée en France en exil avec moi, si vous voulez, pour elle, elle reprenait sa vie avec lui. Et lui, il n'a rien dit, il a sorti très français de son portefeuille une petite annonce de journal en Espagne, en lui montrant qu'elle avait divorcé, qu'elle s'était remariée. Mais pour elle, tout ça, c'était pas très important. Quels que soient les motifs qu'il ait eu, aller en 1940 à la police et demander, ses mots à lui sont « qu'on m'en débarrasse ». Bon, on l'en a débarrassé. Alors, tout jeune, vous ne savez pas très bien justement qui est votre père, car vous décrivez votre mère comme quelqu'un qui ment tout le temps sur son mari, sur ses amants, sur ses enfants, sur son âge et sur son identité. Ah oui, mais c'était un point fascinant, si vous voulez, c'était du mensonge même rocambolesque et gratuit, si vous voulez, à la fin, vers 6, 7, 8 ans, si vous voulez. Si elle me disait qu'elle avait descendu telle rue par le trottoir gauche, j'étais persuadé qu'elle avait remonté par le trottoir droit. Elle montait pour tout, pour tout, pour tout, tout le temps. Et alors c'était des mensonges en plus de fabulation, c'est-à-dire que si vous voulez, elle faisait un conte dans lequel était toujours une princesse magnifique, admirable, un truc. Elle... D'ailleurs, pourquoi pas hein, ça, moi petit, j'en étais persuadé aussi. Hein, c'était... Vous l'aimiez à la folie, cette mère qui vous aimait d'autant plus que vous lui étiez utile, puisqu'un jour, elle vous échangera contre sa liberté. Ça se passe en 1942. Oui, c'est vrai que c'était un amour un peu fou, mais pas si net que ça, parce que si vous voulez, par exemple, je voulais bien croire qu'elle était une princesse, qu'elle était magnifique, etc. Et pourtant, c'est en lisant Les Trois Mousquetaires que j'ai su, mais vrai, j'ai compris qui elle était, c'était Milady. C'est-à-dire quelqu'un qui trahit, qui séduit, qui ment, qui est capable d'aller jusqu'à la mort. Donc, si vous voulez, je savais les deux choses. Mais, au fond, ce qu'un enfant a beaucoup de mal à se dire, etc., c'est qu'on n'est pas aimé du tout. Je l'avais jamais été en réalité. Si vous voulez, elle m'a amené avec elle parce que je pouvais lui être utile hein, vis-à-vis de mon père. Puis en plus, le rôle de mère était attendrissant dans la débâcle générale. Si vous voulez, on va pas me faire du mal. J'ai mon petit. Alors on mettait le petit devant. Donc c'était un peu. Mais j'étais un objet. J'étais pas une réalité. Hein. Alors il y a sur le pick-up dans Sol majeur l'année 1945, incarné par une chanson de Jacques Prévert. Trop subtil pour un public de cons, c'est ce qu'on disait à l'époque, ça a un petit peu changé. Et dans ma boîte à musique, j'ai fouillé, j'ai trouvé la version d'Edith Piaf. Est-ce que vous la connaissez, cette version ? Non. Elle fait comme ça. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas. The falling leaves by the window, your palm leaves of red and gold. I see your lips, summer kisses, the sun. Since you went away, the days grow long. Edith Piaf en sol majeur, pour quelle raison elle se retrouve dans votre programme, Michel Del Castillo ? Écoutez, quand je suis arrivé en France en 1953, enfin libéré, c'est la première chanson que j'ai entendue dans le sous-sol du Colisée, qui était un grand café sur les Champs-Élysées à l'époque. Il n'existe plus, mais il y avait. Et ça a été un véritable choc par la beauté de la langue, par la poésie, et c'est resté. Et puis en même temps, cette interprétation de Piaf, elle a bercé tout mon retour. Hein. On vous retrouve dans 3 minutes.